Bonjour et bienvenue sur Bisoy pour ce nouveau Morning Bisoy. Nous sommes le jeudi 23 avril, hein, et oui, déjà jeudi, et la semaine commence à nous montrer tout doucement la sortie. On reste concentré, on reste léger et on se laisse accompagner par la musique. Et en parlant de musique, pour ce premier réveil du jour, prends-toi un café ou toute autre boisson chaude, mange un truc, mets-toi de bonne humeur pour commencer cette journée et je te passe Lonely Boy de The Black Keys pour bien te réveiller. C'est tout de suite sur Bisoy. Ce morceau, Lonely Boy de The Black Keys, a ce côté brut et immédiat qui fonctionne très bien au petit matin. La rythmique entraîne, la voix accroche et l'ensemble donne un effet départ en trombe, sans en faire trop. Un très bon carburant radiophonique pour mettre de bonne humeur dès le matin avant d'aller en cours ou avant d'aller au taf. Ça fait plaisir et c'est la mission de Bisoy, tu le sais. Pour la petite minute de curiosité du jour, il faut savoir que notre humeur du matin peut être influencée par de tout petits signaux, une lumière plus forte, une fenêtre ouverte, quelques étirements ou même le fait de parler à quelqu'un avant de consulter son téléphone peuvent changer la perception du début de journée. Le matin n'est pas seulement une heure, c'est aussi une mise en route. Et souvent, c'est le matin qui définit comment la journée va se dérouler. Allez, on enchaîne avec Use Somebody des Kings of Leon. Je crois que je t'avais déjà passé un morceau des Kings of Leon la semaine dernière, il me semble. Et bah, je te en passe un nouveau tout de suite sur Bisoy. Bon réveil avec nous. Somebody, The Kings of Leon, c'est un titre qui monte avec beaucoup de respiration et d'ampleur. C'est exactement le type de morceau qui fonctionne lors d'un morning parce qu'il laisse de l'espace tout en gardant un vrai élan. Il donne le sentiment que la journée peut s'ouvrir largement. Maintenant, passons au bon plan culturel en France. On commence avec un événement qui a lieu ce soir à partir de 18h30. Tu pourras te rendre à Nancy, donc en Meurthe-et-Moselle, pour poursuivre la semaine de l'impro. Ça se passe au théâtre de Mont-Désert de Nancy et pour te donner une petite idée de ce que c'est, la semaine de l'impro, ou SDI, met à l'honneur la pratique de l'improvisation théâtrale. Le festival vise, depuis 15 ans déjà, à être un lieu de rencontre pour les membres et pour les curieux du monde de l'improvisation. Ou alors, tu peux aussi te rendre à la salle des fêtes de Gentilly ce week-end pour assister aux joutes du Téméraire édition 2026. Alors, ce nom peut te paraître un petit peu barbare si on veut. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet événement? Eh bien, c'est un festival autour de l'imaginaire, jeux de rôle, wargame, livres, jeux de cartes et bien d'autres animations encore. Les joutes du Téméraire, c'est une convention lorraine qui a lieu à Nancy chaque année depuis 1988. La rencontre entre le jeu et l'imaginaire. La 35e édition des Joutes du Téméraire, dont le thème est au cœur de la nature, aura donc lieu les 25 et 26 avril 2026, c'est dans quelques jours. De nombreux tournois seront au cœur de l'événement, jeux de rôle, wargames, jeux de plateau et de société ou encore jeux de cartes à collectionner. Animations, jeux libres, conférences, démonstrations et initiations seront également au programme. De plus, à l'occasion du marrainage de Cax, une créatrice passionnée et une voix incontournable de la scène ludique, de nombreuses rencontres et animations seront organisées durant le week-end. De quoi passer un excellent week-end en perspective, donc si tu es dans le coin, en Meurthe-et-Moselle ou si tu n'es pas si loin et si tu es intéressé par ce monde-là, eh bien n'hésite pas à t'y rendre, tu pourrais passer un très bon week-end et tu vas passer un très bon week-end si tu t'y rends. Allez, on garde l'élan aujourd'hui avec Chelsea Dagger de The Fratellis pour ce dernier morceau de ce morning. A tout de suite sur Bisoy. Mets-toi bien, car on est bien ensemble sur Bisoy. Chelsea Dagger de The Fratellis, c'est un morceau ultra efficace, presque taillé pour faire lever l'énergie collective. Son refrain, très identifiable, lui donne un pouvoir immédiat. Dans un morning, c'est le genre de titre qui remet tout le monde sur le même tempo. Et ça, c'est ce qu'on aime et c'est aussi une des missions de Bisoy, tu le sais. Allez, maintenant passons à l'horoscope du jour et on commence avec les béliers comme d'habitude. Tu avances bien si tu ne pars pas dans tous les sens. Taureau, une stabilité rassurante t'aide aujourd'hui. Gémeaux, ta vivacité d'esprit fait la différence. Cancer, une ambiance plus sereine t'accompagne. Lion, une belle occasion de montrer ton savoir-faire. Vierge, l'efficacité vient avec la simplicité. Balance, tu retrouves un bon équilibre relationnel. Scorpion, une vérité utile peut apparaître dans la journée. Sagittaire, garde ton enthousiasme, il est contagieux. Capricorne, un objectif prend forme plus concrètement aujourd'hui. Verseau, sois ouvert à une solution inhabituelle, toujours être ouvert. Poisson, une inspiration douce pourrait t'aider à trancher. Allez, merci d'avoir été avec nous sur Bisoy. On se retrouve dès demain pour continuer à faire de la semaine une semaine qui a du rythme, avec du bon son, de la bonne humeur, de la joie. Et si tu ne veux pas attendre demain pour écouter du bon son, tu peux rester connecté sur Bisoy. On diffuse 24h sur 24 et 7 jours sur 7 du bon son, de la bonne musique, des morceaux qui ne passent pas forcément ailleurs. Des morceaux qui permettent de passer une très bonne journée, qu'on soit en cours, au taf, ou alors lors d'une balade sur une piste cyclable, pourquoi pas. C'est ça, l'ambition de Bisoy, et on espère réussir la mission. Je rappelle, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et on vous en remercie infiniment. Voilà, de nouveaux programmes vont arriver sur Bisoy, je ne t'en dis pas plus, je te laisse le suspense. Et surtout, reste connecté avec ce même slogan toujours, hein, Bisoy, soit sans vibre, ou si tu préfères la version anglaise, be, feel, vibrate. Et tu sais pourquoi? Car Bisoy, c'est LE son qui bouscule les codes. Allez, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Salut!